y a 20 ans, le 23 juin 1999, sortait sur les écrans un film de science-fiction d'un genre nouveau, puisant à des sources aussi diverses que la littérature cyberpunk de William Gibson, les univers imbriqués et paranoïdes de Philip K. Dick, le cinéma d'action hongkongais, autant dans les arts martiaux que dans les combats d'armes à feu, le manga, Lewis Carroll, le magicien d'Oz et j'en passe. Bref, une synthèse aussi spectaculaire que novatrice qui va avoir le génie de se décliner dans un univers allant du cinéma à l'animation en passant par le jeu vidéo. Bref, un univers total qui va immédiatement prendre une place de choix dans la pop culture en quatre mots. What is the Matrix? « 20 ans dans la matrice », c'est le programme virtuel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir à la poursuite du lapin blanc, nos trois hackers de luxe aujourd'hui sont Ariel Kirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial de Solidarum.org et de la revue Vision Solidaire pour Demain, co-réalisateur du documentaire Les Mondes de Philip K. Dick avec Yann Coquard. Bonjour Sacha Bitboul. Bonjour. Informaticien, chercheur à l'ENS Paris, directeur de recherche à INRIA et auteur du recueil Le bot, qui murmurait à l'oreille de la vieille dame, et nous serons rejoints dans quelques instants par Raphaël Granier de Cassagnac, chercheur en physique des particules et auteur de science-fiction notamment. On en parlera au cours de cette heure, Eternity Incorporated, c'est aux éditions Mnemos. Mais avant de plonger dans cet univers virtuel, nous restons encore quelques minutes dans le monde réel, à moins que ce ne soit l'inverse, bien entendu, avec Natacha Trinity Triou, parce qu'il y a quand même vraiment un air de ressemblance, vous trouvez pas, avec Ariane Moss? Un petit peu, hein? Ouais, un petit quelque chose. J'ai les yeux. Le teint, mon Nicole. Allez, c'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et on commence ce journal des sciences avec la fonte express des glaciers du Groenland. C'est une image qui a été beaucoup partagée, qui a suscité de nombreuses réactions cette semaine. Sous un grand soleil, on voit des chiens de traîneau marcher sur une banquise recouverte d'eau. C'est un météorologue danois qui l'a publié pour alerter sur la situation au Groenland. Actuellement, il fait 17 degrés, ce sont des températures exceptionnelles pour le mois de juin. Et la fonte des glaces de l'été ne commence habituellement que dans 3-4 semaines. Les glaciers du Groenland fondent sur le haut à cause des températures plus élevées, mais ils fondent aussi sur la périphérie parce que les eaux des océans sont plus chaudes. En Arctique et en Antarctique, la cryosphère, l'eau à l'état solide, est particulièrement impactée. Dans cette région, on n'a pas vu un tel réchauffement de cette sorte depuis 2012. Donc on peut se demander s'il s'agit de variations saisonnières. Gaël Durand est chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université de Grenoble. Pour lui, cette situation est symptomatique de ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années. Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, c'est globalement, la température a augmenté de 1 degré en moyenne par rapport à la période pré-industrielle. Si on regarde sur l'Arctique, cette augmentation de température, elle est plutôt de l'ordre de 5 degrés. C'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. On observe depuis une vingtaine d'années une perte de masse du Groenland, si bien qu'aujourd'hui, chaque année, le Groenland contribue à 2/3 d'élévation du niveau de la mer. Et selon les scientifiques, ce 13 juin, 2 milliards de tonnes auraient fondu en une seule journée. Il faut replacer ça dans un contexte général, c'est-à-dire que globalement, la calotte du Groenland perd de l'ordre de 200 milliards de tonnes de glace chaque année. Donc il y a 1% de la perte de masse annuelle du Groenland qui s'est concentrée sur cette journée. C'est un événement très significatif, très tôt. Et la crainte, c'est qu'on ait un été potentiellement très chaud et une perte encore plus forte du Groenland cette année par rapport aux années précédentes. La fonte des glaces au Groenland s'est multipliée par 4 en 10 ans. Cette semaine au Canada, on a aussi vu une partie du pergélisol fondre, une zone qu'on pensait ne voir fondre qu'en 2090. Ce qui se passe dans ces régions polaires, au-delà des températures pures, c'est que les régimes de vent changent d'une telle manière qu'ils portent des sources de chaleur beaucoup plus rapidement qu'on ne pensait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien reproduit dans les modèles. Les deux calottes du Groenland et de l'Antarctique ont toutes les deux des points de bascule. On estime que si la température augmente de 1,5 2 degrés, la calotte du Groenland ne pourrait plus se maintenir, avec pour conséquence l'élévation du niveau de la mer jusqu'à 7 mètres. Alors ici, on parle d'échelles de temps assez longues, mais plus on réchauffera l'atmosphère, plus ces échelles de temps seront courtes. Alors qu'en est-il du point de bascule du Groenland ? Réponse avec le glaciologue Éric Rignan, professeur à l'Académie de Californie. Un point de bascule, c'est un petit peu quand le système est déplacé hors d'équilibre et qu'on ne peut plus tellement, même si le climat arrête de se réchauffer, on ne peut plus tellement le ramener dans la position d'équilibre précédente sur des échelles humaines, c'est-à-dire sur une centaine d'années. Un exemple, par exemple, c'est des calottes flottantes qui ont disparu en péninsule antarctique. Elles ont disparu sur des périodes de quelques années. Si on voulait les recréer en laissant juste la glace s'écouler dans la mer jusque dans les zones où elles étaient avant, il faudrait à peu près 500 ans. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de point de bascule pour ces calottes flottantes, parce qu'il faudrait plusieurs siècles pour arriver à les reconstituer. Les points de bascule, on en parle souvent en science. J'ai tendance à dire qu'on est assez fort pour trouver les points de bascule au moment où on les a déjà dépassés. Je pense qu'au niveau du Groenland, on est déjà dans une zone où on a dépassé le point de bascule. C'est-à-dire que dans le climat actuel, avec les tendances de réchauffement actuelles, les calottes polaires au Groenland ne pourront pas survivre. En bref, selon une étude internationale parue mercredi, la France est le pays au monde le plus réticent au vaccin. Oui, le pays de Pasteur est aussi celui des anti-vaccins. C'est un sondage réalisé dans 144 pays auprès de 140 000 personnes. Résultat, un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas fiables. Néanmoins, nous ne sommes pas un paradoxe près. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, avec l'augmentation du nombre de vaccins obligatoires, la couverture vaccinale progresse en France. Et puis une nouvelle méthode de chimiothérapie est à l'essai dans 7 hôpitaux français. C'est une chimiothérapie par spray. La chimiothérapie par spray ou la PIPAC, ça permet d'éviter l'injection en intraveineuse. Cela consiste en bloc opératoire à pulvériser le traitement directement sur l'organe. Pour le moment, cette technique ne permet de traiter que les cancers gynécologiques ou digestifs. C'est à l'essai clinique, mais les médecins ont bon espoir. La PIPAC permettrait de mieux traiter les métastases sur des zones peu irriguées, avec peu de vaisseaux sanguins. Et surtout, cela éviterait de graves effets secondaires qui conduisent à l'arrêt des traitements. Deuxième sujet de ce journal des sciences avec ces deux études parues dans les revues Nature et Science qui présentent un nouvel outil d'édition génétique qui améliore la technique CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, ou la technique des ciseaux moléculaires pour modifier le génome. Il y a beaucoup de recherches autour de cette technologie car elle apparaît comme une solution pour traiter des maladies aujourd'hui incurables. Le problème, c'est que cette technologie reste encore très limitée. Pour modifier une séquence d'ADN, il s'agit de couper l'ADN à un endroit précis. Mais le défaut majeur, c'est qu'au moment de la réparation de cette cassure, des mutations génétiques non désirées peuvent apparaître de façon aléatoire. C'est ce qu'on appelle des off-target. Là, cette nouvelle méthode a été baptisée Integrate. Elle fonctionne non plus comme des ciseaux, mais comme une colle moléculaire. Et elle exploite les caractéristiques des gènes sauteurs de bactéries qu'on appelle les transposons. David Bicard dirige le laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. Il est actuellement au Québec à la conférence annuelle sur les CRISPR. Cette innovation y fait grand bruit. Certains systèmes CRISPR en fait permettent de guider ce qu'on appelle des transposons. On peut voir ça comme des petits morceaux d'ADN qui sont capables de sauter d'un endroit à un autre. Deux groupes indépendants de chercheurs ont découvert que certains de ces transposons utilisent des CRISPR, pas pour couper l'ADN, mais pour aller diriger leur transposition dans différents endroits cibles du génome. La manière dont ces CRISPR fonctionnent, c'est on a ce complexe de protéines qui normalement va couper l'ADN, sauf que dans le cas de ces transposons, en fait, au lieu de couper l'ADN, ça va simplement aller s'attacher sur la position ciblée. Donc ça reste comme les CRISPR disons, qu'on connaissait avant, c'est quelque chose qui va être guidé de manière très spécifique sur une position précise. En fait, c'est un petit ARN qui est dans ce complexe de protéines qui, en gros, a une adresse génétique et va permettre à ce complexe de trouver cette adresse dans le génome et de s'y attacher pour ou s'y coller pour aller justement diriger la transposition à cet endroit précis. En bref, la NASA a présenté le projet d'une horloge atomique spatiale. Un appareil devrait être envoyé dans l'espace à la fin juin pour une phase de test. Une horloge atomique mesure le temps grâce à la vibration des atomes. Cet instrument servira de GPS pour les vaisseaux sans qu'ils aient besoin de s'appuyer sur les données venant de la Terre. Cela permettra d'autonomiser la navigation spatiale pour les prochaines missions pour la planète Mars. Pourquoi est-ce que les chiens sont vraiment trop mignons quand ils vous regardent avec des petits yeux comme ça? Eh bien, ce serait un avantage sélectionné par l'évolution. C'est en tout cas une hypothèse parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Vous savez déjà que la capacité des canidés à établir un contact visuel avec les humains leur avait rendu service dans l'histoire de la domestication. Et dans cette étude, les chercheurs ont montré que le chien avait, contrairement au loup, un muscle facial plus développé, là, au niveau des sourcils. C'est ce muscle qui lui permet d'être plus expressif, de faire les yeux doux, de lancer un regard de chien battu et donc de susciter plus d'empathie. Ce serait donc grâce à ce mouvement oculaire que le chien a été favorisé au cours du temps. Et pour conclure, pour la dernière fois de l'année, par notre rubrique de sciences improbables, puisque vendredi prochain, ce sera la dernière émission de l'année, et comme tous les ans, on en reparlera, on vous propose de partir avec de la SF plein la valise. Et donc, pour cette dernière rubrique de sciences improbables, je crois que vous êtes surpassée, Natacha, cette fois-ci, c'est ma préférée de l'année. Je ne sais même pas quoi vous dire. Un cas très rare de lait maternel sécrété par la vulve. Alors, 5 jours après son accouchement, une jeune maman souffrait de douleurs vaginales aiguës avec d'étranges pertes blanches. Les médecins ont réalisé qu'il s'agissait de tissus ectopiques, c'est-à-dire des tissus qui se forment là où ils ne devraient pas, hein, ça arrive souvent. Et là, dans ce cas, la jeune femme avait donc développé des tissus mammaires au niveau des organes génitaux. Les détails sont à lire dans la revue Obstetrics and Gynecology. Ou pas. Mais en tout cas, ça ne sort pas de l'imaginaire de Freud. Merci. Merci vraiment beaucoup de conclure ce journal, cette année de Journal des Sciences, Natacha, par cette information merveilleuse. Et puis un petit mot pour donc vous remercier pour cette année de Journal des Sciences et pour dire à nos auditeurs et aux auditeurs de la méthode scientifique que l'année prochaine, nous aurons la chance de vous retrouver tous les jours en quotidienne pour commencer l'émission. Le Journal des Sciences passe en quotidienne à partir de la rentrée prochaine et on est ravis de vous accueillir tous les jours sur une base quotidienne pour suivre au plus près l'actualité des sciences et de la recherche. Merci Nicolas. À l'année prochaine. Buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Kansas is going bye-bye, référence au magicien d'Oz, l'une des nombreuses références disséminées dans ce film sorti en salle en France il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 23 juin 1999. Matrix des sœurs Lana et Lily Wachowski, une synthèse géniale de références nombreuses, autant littéraires que cinématographiques, mêlées avec des techniques de prise d'image révolutionnaires pour l'époque, le fameux bullet time, cet effet de ralentissement du temps et de panoramique circulaire, on en reparlera évidemment. Tous les éléments étaient de fait réunis pour faire de Matrix le premier grand film de science-fiction du 21e siècle, un film total, décliné en animation, en jeu vidéo, un film en résonance parfaite avec son époque, celle de la massification d'Internet et de l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul des machines. C'est donc de ce film et de ces univers multiples dont nous allons parler au cours de cette heure en compagnie de Raphaël Granier-Cassagnac qui vient de nous rejoindre et que je salue. Bonjour Raphaël, chercheur en physique des particules et auteur de SF avec Ariel Kirou, directeur éditorial de Solidarum et de la revue Vision Solidaire pour Demain, et Serge Abitboul, informaticien, chercheur à l'ENS Paris, et directeur de recherche à INRIA. Alors peut-être pour commencer, premier tour de table, nous sommes en juin 1999, vous sortez du cinéma, quelle est l'image, la phrase, l'instant, le moment, puisque c'est un film qui est truffé de moments iconiques, qui vous a marqué le plus, Ariel Kirou? Moi c'est le moment où on découvre les immenses cuves, et où Neo sort des cuves avec ses bidules autour de la tête. C'est-à-dire ce moment où on se rend compte de la concrétisation du Léviathan, c'est-à-dire de la machine sociale qui est également une machine technologique. Raphaël Granier-Cassagnac, votre... Moi, c'est le personnage de Trinity qui est absolument fascinante et une espèce de guerrière qui a le savoir et qui amène Neo, qui va chercher Neo et qui l'amène. C'est une espèce de vision comme ça de ce personnage féminin formidable. Un personnage féminin fort, ce qui est encore effectivement assez rare dans les films d'action grand public. Serge Abitboul. Eh bien moi, c'est l'ensemble en fait. C'est un peu ma surprise de prendre devant le plaisir que j'ai pris à regarder le film, comme beaucoup de gens, hein, j'ai adoré. Et en même temps, je suis informaticien et j'avais un recul en me disant mais pourquoi j'aime ça? Pourquoi ça me plaît ce machin? Et alors pourquoi? D'abord c'est parce que c'est beau, il y a des belles images, vous en parlerez probablement mieux que moi. Il y avait plein d'inventions à l'époque, mais je crois qu'il y a aussi le fait que on est dans quelque chose de totalement dystopique. Et il y a une certaine beauté à quelque chose de totalement dystopique. Dans le film, il y a une beauté d'un certain point de vue de l'horreur. Et alors après, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi ça continue à plaire. Pourquoi ? Alors, il y a plein d'autres films qui ont été inspirés par Matrix. Et là, j'aurais tendance à dire que c'est parce que ce truc-là, de quoi ça parle ? Ça parle, en fait, de l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'informatique intelligente qui va prendre notre place, etc., qui va nous gouverner. Et donc, qui va nous cultiver, même. Oui, peut-être, mais surtout... L'agriculture. Oui, cultiver au sens nous tourner comme... Nous utiliser comme énergie pour ces batteries. Pourquoi pas faire de nous des chats domestiques. Donc la question, c'est pourquoi ça nous passionne, et je pense que ça nous passionne parce qu'on ignore comment ça marche. C'est notre ignorance qui nous fait plonger dans la dystopie. Pourquoi les dystopies ? Parce qu'on comprend rien, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. Même moi, en tant qu'informaticien, je suis incapable de vous dire comment ça fonctionne, parce que pour l'instant, on ne sait pas faire ce genre de choses. Donc on ne sait pas comment ça fonctionne, et donc si ça fonctionne comme ça, ben, il doit y avoir de la magie noire, etc. Donc, on tombe dans les dystopies. Est-ce que vous avez conscience, Ariel Kirou, en sortant du cinéma, que vous êtes face à un objet nouveau, que cet item fictionnel, pour l'appeler comme ça, est en train de changer la donne à la science-fiction grand public ? Non. C'est-à-dire très clairement, d'ailleurs, c'est ma conviction, en tant qu'amateur de films de science-fiction, de romans de science-fiction, j'y vois tout de suite des références, mais effectivement celle de Philippe K. Dick, celle de Philippe K. Dick qui effectivement est pour moi majeure, et surtout j'y vois un bel objet, mais dont l'invention date d'avant, hein, c'est-à-dire que Blade Runner en 1982 de Ridley Scott, d'après les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Déjà, met en scène cette ambiance, de Philippe K. Dick, met en scène cette ambiance qu'on appelait tech noir, c'est-à-dire de noirceur technologique. Hein, on est ce monde cyberpunk. Et après, on pourrait multiplier les références comme Tron, qui n'a pas la même ambiance, la même esthétique, mais où déjà on a un personnage qui vit dans qui se retrouve virtualisé dans un univers entièrement virtuel. Donc, quand moi je suis sorti du film, j'ai trouvé que c'était une formidable synthèse. Hein, c'est-à-dire un peu comme effectivement en musique David Bowie, qui est un génial synthétiseur de son époque avec un léger temps d'avance. Donc pour moi c'est plus un nœud assez passionnant qui réussit à faire la synthèse de tas de choses qu'il a pu avoir avant, qui va inspirer pas mal de choses derrière, mais pas plus ni moins que beaucoup d'autres films. On pourrait citer qui sort en 99 à la même époque The Truman Show de Peter Weir, où là encore le personnage se retrouve dans un village des années 50 qui est une simulation. On pourrait citer Dark City, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Alex Proyas, exactement. Très, très bon film, Alex Proyas. En revanche, une chose est claire, c'est que ce film-là a réussi à rendre populaire une thématique, une métaphysique par rapport à la réalité, comme aucun autre film auparavant. Et ça, c'est vraiment le point fort. C'est la synthèse, hein. On le dit beaucoup, on va le redire. Matrix, voilà, est une remarquable synthèse. La synthèse, et puis c'est pour quelqu'un qui est... Je citais Philippe K. Dick, dont l'une des célèbres phrases, c'est « La réalité, c'est ce qui subsiste lorsqu'on a cessé d'y croire ». Eh bien, ce film met en scène de façon très forte ce rapport à la réalité, et il l'actualise, puisqu'il le fait au travers, effectivement, de l'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies, avec une esthétique qui est de cet ordre-là. Et donc... Ce mariage, en fait, des genres, des ambiances, des thématiques, ce petit côté philosophique ajouté à un côté très spectaculaire, le côté kung-fu aussi, qui est quand même un point majeur, en fait, puisque ça crée une sorte de dynamique. Cette alchimie, eh bien, tout simplement, elle fonctionne. C'est pas un film totalement novateur au sens où il a pas inventé grand-chose. En revanche, c'est un moment fort. C'est ça, c'est le génie des Wachowski, hein, de faire une synthèse où 1 plus 1, bien, ça fait plus que 2, ça fait un objet qui est plus que la simple accumulation de ses références. Raphaël Granit-Cassagnac, sur justement ce que vous ressentez au moment où vous sortez de la salle, vous avez le sentiment effectivement qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu dans la science-fiction grand public depuis un certain temps ? Ouais, c'est l'arrivée dans un public très très large de thématiques qui, comme disait Ariel Kirou, sont déjà là dans la science-fiction, dans certains films avant. Et moi, j'ai eu le sentiment très très net que c'était dans l'air du temps. Alors, je me suis, en réfléchissant à cette émission, je me suis dit, mais on est en 1999. Alors, est-ce que le bug de l'an 2000 a joué un rôle dans l'urgence à sortir un film comme Matrix et à ce qu'il soit reçu par un public très très large, au niveau des producteurs également? Et pour moi, c'est vraiment dans l'air du temps. Parce que moi, je commençais à écrire tout juste à écrire de la science-fiction à ce moment-là. Et juste avant Matrix, j'avais écrit une nouvelle dont les thèmes sont extrêmement proches. J'ignorais que le film allait sortir, mais j'avais un peu les références que Ariel Kiroud donnait tout à l'heure. Moi, Dark City, c'est un film qui m'a absolument fasciné. Et donc pour moi, il arrive au bon moment pour synthétiser quelque chose. C'est l'air du temps, quoi. Et avec un sens, par ailleurs, de la mise en scène et de la promotion de l'objet qui va être ce film, avec une promotion dont vous vous souvenez peut-être, une promotion extrêmement simple, quatre mots qui sont envoyés comme ça. What is the Matrix? Qu'est-ce que c'est que la Matrice? Voici en tout cas la réponse de Laurence Fishburne alias Morpheus à Thomas Anderson avant qu'il ne devienne Neo. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window. La Matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Neo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la Matrice, tu devras l'explorer toi-même. Voilà, dans les premières minutes, dans la première partie de ce film Matrix, commentaire libre de cette scène qui veut s'y coller, Ariel Kiroud. Oui, oui, voilà, c'est une scène magique. C'est effectivement ce moment, je crois que c'est le moment après où il va, où juste avant prendre les pilules, en fait, référence effectivement à Alice au Pays des Merveilles. Donc là, on est vraiment au cœur du message. Et c'est vrai que, à la limite, c'est plus en le réécoutant maintenant, que je souris pour une raison très simple, c'est que je viens de terminer le livre d'Antonio Casilli qui s'appelle En attendant les robots sur les micro-tâcherons, en fait, où il met en scène en fait ces centaines de milliers de gens qui travaillent à distance en quelque sorte au clic pour nos mécaniques, les éleveurs d'IA en fait, qui sont plus que des éleveurs d'IA, des esclaves de l'intelligence artificielle. Et en écoutant cet extrait-là, cette logique de prison dans nos corps, mais aussi esclavage par la machine, j'y vois la métaphore assez formidable en fait de quelque chose qui est de l'ordre d'un esclavage d'aujourd'hui, en train de continuer à se constituer. Et ça me rend ce passage effectivement magique, encore plus proche. Serge Abitboul ? Je vais être totalement en désaccord, bien sûr. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est tous les embryons de la théorie du complot. On est en plein dans la théorie du complot. Tout ce qu'on vous montre, c'est pas vrai. Tout ce que vous entendez, c'est pas vrai. Il y a une autre vérité qui est derrière ça. Bon, d'accord, moi je veux bien, on peut partir là-dedans, puis alors, c'est même pas la peine de se fatiguer. Moi, je pense plutôt qu'il faut regarder... La vraie leçon, peut-être, pour moi, là-dedans, c'est quand on voit quelque chose, on a envie de voir la vérité. Donc, ça nous rapporte aussi sur des problèmes comme les fake news ou deep fake news. C'est comment on fait pour nettoyer ce truc et éviter de tomber tous dans la théorie du complot. Moi, j'ai pas envie d'être dans la théorie du complot. Mais le problème, c'est que dire théorie du complot, c'est prendre au premier degré le film, ce qu'on entend. Or, on ne peut pas prendre au premier degré ce type de film. Pas beaucoup plus profond. Non, mais on peut pas le prendre au premier degré pour une raison très simple, parce que la logique qu'il y a derrière, on reste dans l'imaginaire. C'est une métaphore imaginaire. Donc, on n'est pas dans la théorie du complot par rapport à ce biais-là. Ou alors, dès qu'on a un film dystopique, on est dans la théorie du complot. Moi, ce que j'y vois, c'est absolument pas le premier degré. Je le lis au deuxième, voire au troisième degré. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Peut-être qu'on peut dire un mot, parce que effectivement, pour le grand public, c'est la découverte de la matrice, du cyberespace. Or, le grand théoricien, on en avait parlé avec vous, Raphaël Granit-Cassagnac, finalement, ce qui a été quasiment pillé par Matrix, c'est Gibson, c'est son neuromancien qui est vraiment pour le coup la source d'inspiration, le point de départ de tout cet univers-là, et qui est un univers qui est très bien connu et très bien balisé pour les amateurs de science-fiction, pour les amateurs de jeux de rôle avec le jeu cyberpunk. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, enfin, je voulais juste réagir sur ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec vous deux, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où le spectateur voit, enfin, parle avec, avec Morpheus, il ne sait pas encore que les humains vivent dans la matrice, et donc il va penser théorie du complot. Et puis quand arrive l'énorme révélation qu'il a, est énorme, c'est vraiment, tout est complètement faux autour de nous, c'est pas des petites choses qu'on nous cache, c'est l'intégralité de notre monde s'effondre. Donc je trouve que le rapport est intéressant parce qu'effectivement le spectateur il va penser on manipule, c'est un gouvernement qui manipule. Non, c'est bien plus gros que ça, c'est énorme et ça touche. Mais c'est pas les individus quelque part. Dans la théorie du complot, celui qui manipule, ceux qui manipulent sont censés être des individus, des multinationales, etc. Là, c'est absolument pas des individus, c'est des machines que nous avons nous-mêmes créées quelque part. Donc c'est la métaphore de l'apprenti sorcier. On est sur un mécanisme qui n'a strictement rien à voir au niveau imaginaire, hein, bien évidemment. Mais vous comprenez bien que quand vous comparez ça au micro-travailleur que dit Antonio Castilli, on est complètement dans une autre dimension. On n'est pas du tout dans un petit truc comme les micro-travailleurs qu'on pourrait régler avec quelques lois sociales. On est dans une manipulation de ce qu'on voit qui est, alors bien sûr la métaphore c'est tout ce que vous voulez, mais c'est complètement une dystopie à peu près totale. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est que cette dystopie, on continue à la vivre. C'est-à-dire que les trucs qu'on nous envoie, bon, moi j'adore par exemple Black Mirror, il y a certains épisodes de Black Mirror qui sont complètement dans cet esprit-là et qui sont vachement durs. On est dans cette dystopie. Mais l'exagération est formatrice. Évidemment que c'est exagéré. Évidemment que c'est exagéré. Évidemment que c'est pas à la lettre ainsi que c'est. Mais je pense pas qu'il suffira de quelques petites lois comme ça pour que les micro-tâcherons disparaissent. Je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense qu'il y a une logique de structure, une logique d'infrastructure dans tout ça, qui est beaucoup plus vaste, sans théorie du complot, justement, par d'autres billets, hein. Donc, évidemment que c'est pas à la lettre. Mais il faut savoir sortir de la lettre des choses pour en tirer l'esprit. Comme dirait Morpheus. C'est total, en fait. Vous l'avez dit le mot tous les deux. C'est la dystopie totale. C'est, pour revenir à Gibson, c'est prendre le cyberespace et le pousser tous les curseurs au maximum. Le cyberespace est total. On sait plus qu'il y a autre chose que le cyberespace. Juste une phrase. Ce qui me fait un petit peu renacler ce genre de choses, c'est que, on crée des générations de gens qui s'abreuvent de ça et qui, conséquence, au lieu d'aller apprendre ce que fait l'informatique ou ce que fait l'IA et puis aller essayer de comprendre et puis d'être les maîtres de ce machin-là, ils regardent ça complètement terrorisant, dire oh là là, regardez ce qui va se passer. Le nombre de gens qu'on entendait même sur les plateaux venir vous raconter que les ordinateurs vont prendre le pouvoir. Faut sortir de ce machin-là, quoi. Mes gamins, ils regardent et ils vont pas, absolument pas, ils croient pas à la lettre de la chose. En revanche, ça leur donne envie d'en savoir plus. Donc c'est pas du tout le même type de réflexe que je vois autour de moi par rapport à ces systèmes. Et comme on est à la méthode scientifique, on va vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée justement à cette grande question que vous soulevez en filigrane, Serge Rabhitboul, à savoir l'intelligence artificielle est-elle en fait fondamentalement bête. On va vous remettre le lien vers cette émission et on va replonger dans Matrix, et j'aimerais qu'on examine un peu justement cette synthèse de référence. Je parlais du cyberpunk, c'est vrai que le cyberpunk, on peut le dire, Ariel Kirou, c'était une branche un peu confidentielle de la SF avant Matrix. Une branche littéraire. Disons que c'est plus complexe que ça, parce qu'effectivement, pour les amateurs de science-fiction, il y a ce qu'on a appelé l'âge d'or, qui était les années 50. Il y a ensuite eu ce qu'on appelait la New Wave, de période d'anticipation, quelque part, un peu spéculative, de la fin des années 60, qui a continué un moment. Et le cyberpunk, c'est le renouveau, effectivement, William Gibson, avec le Noromancien en 1984, une série de nouvelles, des textes de Bruce Sterling, construisent, nous avons vers miroir, l'anthologie. Voilà, un univers, effectivement, cyberpunk, c'est-à-dire où la technologie est totalement naturalisée, mais avec un regard un peu punk, des univers un peu détruits, une sorte de côté de pré-monde un peu effondré, donc des ambiances un peu dures, un peu noires. Et effectivement, le livre de Gibson là-dessus est assez fort et finit avec cette intelligence artificielle contre laquelle le personnage se bat. Donc, je pense que c'était présent dans beaucoup de films. Alors, ce que je veux dire, c'est que littérairement, ça reste un sous-genre de la science-fiction qui est pas un genre qui est extrêmement, extrêmement travaillé ou approfondi. On parle de Gibson, on parle de Sterling, et finalement, la liste des auteurs s'épuise relativement vite. En toute honnêteté, j'en pourrais encore en citer une dizaine, Pat Cadigan. Bien sûr. Voilà, George Alec-Effinger avec ses puces dans le cerveau. Non, je dirais juste que on pourrait peut-être parler de l'image que véhicule la science-fiction. Lorsqu'on parle de courant, c'est pas un mouvement quelque part. C'est qu'il y a des périodes en fait où où là, il y a une sorte de renaissance, on va dire, littéraire, cinématographique, et où potentiellement certaines œuvres sortent un peu du lot, pas forcément uniquement en termes de qualité, mais en termes de perception par le public. Et je pense que ce qu'a réussi Matrix, c'est très exactement cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était présent par une alchimie bizarre est sorti de, on va dire, d'un public d'une large niche. Comment diriez-vous, Raphaël Granier de Cassignac, que Matrix effectivement synthétise cet univers et transcende d'une certaine manière, en donne une lecture extrême, comme vous le disiez, à l'image, en l'incarnant? Parce que c'est vrai que le cyberespace, pour tous les gens qui ont fait un peu de jeu de rôle notamment, c'est toujours quelque chose de très difficile à visualiser, à conceptualiser, c'est quelque chose de très abstrait. Et finalement, le coup de génie de Matrix, c'est d'en faire quelque chose d'extrêmement concret, puisque le cyberespace, c'est la réalité. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il s'empare du terme du cyberespace. Et plutôt que de faire un cyberespace fantasmé dans lequel on pourrait rencontrer, je dis n'importe quoi, des licornes, bah c'est l'inverse. C'est le cyberespace, au premier abord, il apparaît comme notre monde à nous. Il y a un léger décorum un petit peu cyberpunk, mais il est très très très léger, à part dans les costumes qu'endossent les hackers, donc Neo, Trinity, Morpheus, etc. Mais c'est les seuls qui ont un côté un peu punk, en fait, dans cet univers, qui sinon est d'une platitude et d'une tranquillité. Et c'est fait pour que le rêveur soit immergé et soit tranquille. Donc c'est ça la force du truc, je crois, c'est d'avoir proposé un cyberespace qui soit le plus normal possible. Et ce qui est intéressant dans cette notion de normalité, c'est qu'effectivement, quand on regarde Matrix, en tout cas le premier opus, c'est un canevas narratif extraordinairement classique. C'est celui de l'élu qui découvre ses pouvoirs et qui va sauver l'humanité. On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, mais c'est peut-être grâce au classicisme de ce canevas, Ariel Kirou, qu'on peut d'un seul coup introduire à l'intérieur, avec toutes ces références, avec ces multiples références qui peuvent s'inclure dans un canevas justement précisément classique. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense qu'effectivement, le malheureusement, il faut souvent une petite dose de cliché pour que ça fonctionne. Heureusement, les sœurs Wachowski, qui à l'époque n'étaient pas encore sœurs, je crois, de mémoire, était encore à une époque où elles n'en rajoutaient pas des couches et des couches de meringue et de crème chantilly. Donc ça, l'alchimie était presque parfaite. Donc oui, ça joue et ça concrétise effectivement une sorte de sédimentation. Hein, c'est vrai que j'ai pas donné l'exemple, mais en 1977, à la conférence de Metz, grande conférence donc de science-fiction, Philippe K. Dick, donc l'auteur de science-fiction, intervient et fait une intervention qui sidère littéralement tout le monde, puisqu'il explique au sens propre qu'on vit dans la matrice. Il utilise le mot matrice, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il explique que notre monde est totalement irréel et que nous vivons dans une fiction montée par je ne sais quel démiurge, et en donnant le sentiment réellement d'y croire, en fait. Et ce qui est assez fou, c'est quand on réécoute aujourd'hui des extraits de cette conférence, on se dit mais c'est Matrix. On va purement et simplement Matrix. On va vous mettre des liens sur le fil Twitter de l'émission justement pour aller. Effectivement, c'est assez brillant, puis c'est vraiment la période où Philippe K. Dick était complètement psychotique. C'est-à-dire c'est la période où il se prend lui-même pour un personnage de l'un de ses romans, en fait. Et donc c'est ça qui est assez fascinant, et c'est vrai que cette alchimie est assez étrange. Le mot clé c'est chimie, c'est une matrice un peu psychotrope. Voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a quelque chose aussi qui participe de cette synthèse qui est plus que la somme de ses parties, c'est évidemment une forme de métaphysique de Matrix tout à fait littéral, hein. Cité Baudrillard apparaît dans l'appartement de Thomas Anderson alias Neo dès le début, et puis Neo, The One, Trinity, on est vraiment dans une sorte de gloubi-boulga, pourrait-on dire, un peu philosophico-mystique, qui donne finalement une sorte de colle, de ciment un peu transcendantal à cet univers. Serge Habitboul, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis certainement beaucoup moins un spécialiste de Matrix que les deux autres invités, mais oui, c'est tout à fait ce que dit le film. Le film revient sur... il y a pas mal de clichés d'ailleurs dans le film sur le retour entre ce que vous donnent vos sens et votre vision du monde n'est pas la réalité, etc. Donc tout ça, c'est assez classique, mais ce sur lequel il faut revenir un petit peu maintenant, c'est que aujourd'hui, et c'est là où on se rapproche un peu de Matrix, on est capable de vous faire évoluer dans des mondes virtuels qui ressemblent énormément à la réalité. On est capable de faire des films, enfin, du deepfake qui ressemble exactement à la réalité. On est capable de vous faire vivre alors on n'est pas encore au niveau de Matrix, mais pas loin. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment fondamentalement nouveau et qui, D'une certaine façon, Matrix, c'est un film. Vous rentrez dans le film comme vous rentrez dans un bouquin. Les bouquins, on fait ça depuis longtemps, on sait faire. On est dans un autre univers, mais on sait qu'on est dans un autre univers. Et là, ce que moi, la leçon que je prends un peu de Matrix, c'est que vous ne savez pas. Vous parliez de normalité. On ne sait plus où on est. À un certain moment dans le film, même on se perd un petit peu. Est-ce de quoi on parle? On ne sait plus exactement ce qu'est la réalité. Et là, c'est quelque chose qui nous renvoie à toutes ces origines, toutes ces questions originelles, toutes ces questions philosophiques, qui est comment on fait maintenant, aujourd'hui, pour savoir où est la réalité, puisque on peut vous faire vivre des trucs qui sont vraiment très très proches. Non, Raphaël Grenier, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je pense qu'évidemment, on avance, hein, c'est de plus en plus réaliste, mais on est quand même très très très très loin. Je suis complètement d'accord avec vous. De réussir à créer un univers dans lequel on croit. Et alors, l'autre chose, d'abord, il faudrait la gravité, il faudrait les retours corporels, il faudrait le sens de l'odorat, il faudrait que la vision soit parfaite, que l'ouïe soit parfaite. Donc ça, on y arrive. L'ouïe et la vision, ça commence à être bien, mais le reste, on n'y est pas. Et en plus de ça, dans Matrix, il faut que le spectateur ait en plus oublié qu'il vient d'un autre monde, qu'il vient du monde réel. Donc c'est ça le truc, la barrière un peu technologique que je vois. Vous avez complètement raison. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. En tant qu'informaticien, je vous dirai pas le contraire. Mais si vous voulez, juste un truc très simple. Si on vous montre une vidéo dans laquelle vous êtes un des personnages, vous êtes une des personnes de cette vidéo, et la vidéo est relativement bien triché, ce qu'on s'est bien fait aujourd'hui, et vous parlez, et vous dites une phrase que vous n'avez jamais dite, et vous êtes dans une situation que vous n'avez jamais vécue, et ben c'est hyper dérangeant. Ou alors vous êtes Philippe Cadic et vous êtes en train d'avoir une attaque psychotique. Un autre exemple, on vous fait discuter, dialoguer avec des personnes qui sont disparues. C'est hyper dérangeant. Ouais. Ben c'est sûr qu'on avance. Hein, Ariel Carou, sur cette mystique, sur cette philosophie, alors est-ce que c'est de la facilité? Est-ce que c'est une philosophie sincère? Comment vous l'interprétez, vous, ce simulacre et simulation de Baudrillard dans les mains de Néo au début? Est-ce que c'est opportuniste de la part des Wachowski? Comment vous l'interprétez? Je crois que dans la création, il y a toujours une part d'improvisation, d'intuition. Bon. Et je pense que je ne suis pas certain qu'un auteur, y compris un auteur de science-fiction, quand Alain Damasio écrit Les Furtifs, s'il sait par avance ce qu'il va écrire, de la même façon que les sœurs Wachowski, lorsqu'elles créent Matrix, je ne suis pas certain qu'elles aient toutes les clés elles-mêmes de l'alchimie qu'elles vont créer quelque part. Ce côté mystique, je crois que ça participe du succès, en fait, hein, tout simplement. C'est l'un des éléments qui crée une sorte de dimension un peu spirituelle. Mais les clichés, les facilités du film aussi participent de la chose. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi le deuxième, que je trouve le plus faible des trois, a eu autant de succès, donc le Matrix. C'est celui qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Voilà, alors qu'effectivement, mais je crois que c'est peut-être par choix esthétique, alors que personnellement, je trouve que le film, tant qu'on ne sait pas très exactement ce qu'il en est de la réalité, est beaucoup plus fort quelque part, parce que tout simplement il y a cette force du doute qui permet d'ailleurs cette dimension spirituelle qui au fond assez vite devient un prétexte, parce que dès lors qu'on sait que c'est la machine qui dirige tout, que nous sommes au sein d'une simulation gigantesque et qu'on ne le sait même pas, puisque c'est en quelque sorte la machine nous élève, parce qu'on devient le carburant en quelque sorte d'une immense machine, eh bien ça devient peut-être moins plus spectaculaire, moins subtil, mais la métaphore reste. L'une des qualités de ce film et de cette trilogie et des sœurs Wachowski, c'est de réussir à créer, notamment dans le premier épisode, un certain nombre de scènes qui deviennent instantanément iconiques. On reparlera du bullet time dans un instant, mais il y en a une autre qui est devenue aujourd'hui une sorte de mème, qui est devenue même quelque chose, un élément du langage tout courant. Quelle pilule faut-il choisir? La bleue ou la rouge? This is your last chance. After this, there is no turning back. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. pilule bleue, pilule rouge, scène évidemment iconique et référence non dissimulée à Lewis Carroll. Hein, oui, bah ça c'est vrai que c'est le Magicien d'Oz et Alice au pays des merveilles qui permettent notamment aussi d'expliquer comment ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire ce qui fonctionne d'ailleurs dans un imaginaire, dans une alchimie, c'est qu'il y a des tas de références qu'on a qui sont en nous, qu'on a oubliées quelque part et qu'un film va faire renaître en fait. Alice au pays des merveilles, je pense qu'il n'y a pas une personne sur 10 ou une personne sur 100 du public qui a pu le voir. En revanche, ça participe à notre univers. Il y a eu le Disney. Le lapin blanc au début quand même. Lapin blanc, voilà. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que qui ont lu le livre de Lewis Carroll. Voilà. Ce que je veux dire. Hein. Oui. Alors ils ont peut-être vu les éléments quand Disney a complètement trahi comme d'habitude le roman. Quoi, voilà. Donc ça c'est possible. Je veux dire. Et il y a cet élément-là. Et il y en a beaucoup d'autres qui soudainement. Bon, ben moi je parle de Philip K. Dick parce que c'est un peu mon dada en quelque sorte. Mais c'est pareil. Qui a lu les romans de cet auteur de science-fiction? Tout le monde autour de cette table. Oui, voilà. Mais dans le public. Bon. En revanche, via Hollywood. Via tous les films qui ont été inspirés par Philip K. Dick, cet univers-là est très présent. Bon, et je crois que c'est comme ça que se construit une alchimie, avec aussi des éléments de facilité. C'est vrai que moi, de dire c'est la vérité, le mensonge, j'ai du mal à adhérer, parce que je considère que justement, l'enseignement le plus fort, c'est de dire, cherchons ce qui est juste, dès lors que la vérité et le mensonge a disparu. On parlait de Baudrillard, Simulacre et simulation de Baudrillard, qui est un bouquin assez extraordinaire, qui a pu être critiqué par ailleurs, il ne fait pas du... Il ne revendique pas la vérité contre le mensonge, le vrai contre le faux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été critiqué, Baudrillard, en fait. Hein. C'est qu'il explique effectivement, il a cette phrase-là, nous devons réinventer le réel comme fiction. C'est une phrase qu'il a dit plus tard, pas dans Simulacre et simulation. Réinventer le réel comme fiction. Ça, en revanche, c'est formidable. Et là, il y a quelque chose d'assez, on va dire, qui va bien au-delà des clichés très bien mis en sauce des sœurs Wachowski. Peut-être, il faut dire aussi un mot, on en parlait tout à l'heure, de la prouesse technique, de la composante visuelle de Matrix, qui est certainement l'un des éléments clés aussi dans cette synthèse de la réussite du film, et de ce qu'on a appelé après Matrix le wire fu, c'est-à-dire le kung-fu avec des câbles, chorégraphié par un très très très très grand nom du cinéma hongkongais, Yuen Woo-ping. Un mot sur cette dimension visuelle, en tout cas, Raphaël Granit-Cassagnac? Ah ben c'est sûr que je pense que le public se souvient surtout des images, des combats de Trinity avec les bras en l'air qui donnent des coups de pied dans les poitrines de ses adversaires. Et je rajoute à l'image la musique, c'est la fête de la musique en plus aujourd'hui. La musique joue un rôle extrêmement important, je pense, dans le succès du film. La musique un peu pendant les scènes d'action qui sont iconiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là aussi, c'est-à-dire sur l'aspect cinématographique, les sœurs Wachowski font une synthèse remarquable de tout un pan du cinéma hongkongais qui était connu par les amateurs du genre. Les films de Tsui Hark pour les arts martiaux, les films de John Woo pour le gunfight, pour les combats aux armes à feu. Et Matrix fait aussi la synthèse pour le cinéma occidental d'un cinéma qui était relativement connu, mais encore pas tout à fait grand public aux États-Unis et en Europe. Oui, tout à fait, un peu comme Kill Bill de Quentin Tarantino, mais de manière peut-être plus forte, parce que moins évidente. Ce Matrix est vraiment un film de passage, hein, c'est-à-dire que il se nourrit d'un amont très fort, d'un imaginaire multiple, et effectivement marier le kung-fu, donc l'imaginaire du kung-fu à l'imaginaire cyberpunk, donc à cet imaginaire de la science-fiction, dans des films, alors sauf erreur de ma part, ça n'avait jamais été fait, en fait. Il y avait des côtés fantastiques du côté du cinéma de Hong Kong, voire des côtés presque néo-science-fiction. Ça, très clairement, c'était présent. Mais en revanche, un film occidental, avec les moyens de la grande machine hollywoodienne, qui met en scène ce strict mariage... Non, là, pour le coup, c'était moi, en tout cas, je ne l'avais pas vu. Et c'est bien pour ça aussi que il y a un amont, il y a un aval, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a ce courant japonais qui s'appelle l'isekai, hein, qui est donc une série de mangas, de cinéma d'animation qui se passe dans des mondes virtuels. Les Animatrix, qui étaient des 9 courts-métrages d'animation liés en fait donc à Matrix, ont peut-être moins marqué le grand public, mais par rapport aux créateurs, notamment japonais, mais dans le monde entier, ont été quelque chose aussi qui a été très marquant en termes de métaphore. Hein, c'est-à-dire, on retrouve dans un monde virtuel des combats au sabre et effectivement ce kung-fu. Donc là, pour le coup, cette alchimie-là, est pour, à mon sens, quelque chose d'assez marquant et qui justifie les mêmes. Vous parlez du même, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de détournements qu'on trouve sur le net utilisant Matrix, enfin, je me souviens d'un détournement de Gangnam Style de Psy avec dans l'ascenseur. Joyeuse fête de la musique. Voilà. Non, mais attends, c'était assez génial parce que c'est le Gangnam Style détourné en mode Matrix. Bon, et ça, c'est ce qui dénote quelque part d'un objet culturel marquant, c'est-à-dire qui se nourrit d'un imaginaire fort et qui après devient lui-même une référence forte dans le public. La puissance de la synthèse, on peut réévoquer, on a dit que l'imaginaire avait été complètement issu, en tout cas très très inspiré de William Gibson pour le contexte culturel et fictionnel. La scène où Neo et Trinity rentrent et désinguent tout à coups d'armes à feu, c'est la scène de Hard Boiled de John Woo, ouais, dans l'hôpital, qui est une scène de plan-séquence absolument invraisemblable, dont on peut vous mettre d'ailleurs un lien sur le fil Twitter de l'émission, et c'est vraiment, enfin, la citation est tellement frontale qu'il y a, enfin, elle est immense, quoi. Je veux dire, c'est vraiment c'est un emprunt net, sans aucune ambiguïté, assumé en plus, et qui effectivement va fonctionner. Voilà. Et il y a un auditeur qui nous le dit à juste titre, parce qu'on peut pas, on ne peut pas faire la liste exhaustive de toutes les références de Matrix, parce qu'il nous faudrait une émission de 5 heures, ce qu'on ferait avec plaisir, mais bon, il y a des émissions après nous quand même. Évidemment, Ghost in the Shell. Alors, Ghost in the Shell, 1995, voilà. Et 4 ans plus tard, extraordinaire film de Mamoru Oshii, qui s'appelle Innocence, donc Ghost in the Shell 2. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs films sur ce registre, en fait, hein, des mondes virtuels, et c'est lui qui fera 2 ans après Matrix Mamoru Oshii, qui s'appelle Avalon, qui est un film en prise de vue réelle. En prise de vue réelle, exactement. Mmh. Et qui met en scène, là, pour le coup, dans le monde des jeux vidéo, un personnage qui, effectivement, se retrouve dans ce monde-là, avec des enjeux dans ce monde-là. Et effectivement, Mamoru Oshii, donc, au Japon, avec Ghost in the Shell, et ensuite Avalon, c'est effectivement, on va dire, c'est presque le petit frère, la petite sœur de Matrix, avec en plus des effets dans le monde chez les jeunes assez forts. Et comme le dit si justement Alfred Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. On ne peut pas parler de Matrix sans parler de l'impeccable Hugo Weaving, alias l'agent Smith, avec son accent britannique, à glacer d'effroi dans cette autre scène d'anthologie qui est celle de la torture de Morpheus. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous, nous sommes l'antidote. Commentaire libre, Serge Habitboul. C'est violent, hein. C'est glaçant, c'est remarquable. C'est complètement violent et on peut que prendre un peu en arrière en se disant, tous les problèmes écologiques qu'on connaît aujourd'hui n'ont fait que démontrer que ce qui est raconté là, c'est pas des conneries. Et alors, par contre, la question subsidiaire, c'est est-ce que on va laisser la place à une intelligence supérieure à nous pour qu'un truc qu'on a créé nous, hein, c'est pas des extraterrestres. On crée ça et puis on va disparaître pour les laisser gérer proprement la planète, ou on s'occupe nous de régler nos propres problèmes et on met ces nouvelles technologies au service de sauver la planète. Moi, je suis plutôt dans le deuxième, plutôt que de me dire je vais finir dans une Matrix. Mais vous pouvez vouloir ce que vous voulez, moi. Hop, moi, vous savez, je veux tout et son contraire. Henri Quiroz, un mot sur la performance d'Hugo Weaving, qui est pour beaucoup au succès du premier opus de la trilogie, qui est certainement l'un des plus beaux méchants de l'histoire du cinéma fantastique. Oui. Oui, c'est, ça fait partie de la réussite. Hein. C'est effectivement, vous l'avez dit très bien, hein, impeccable, froid, glacial, rationnel. Le ton, effectivement, qu'il prend est assez, assez extraordinaire. Là, une nouvelle fois, ce sont des images, hein, et des images marquantes. Images au sens noble du terme, au sens large du terme. C'est-à-dire que une image, c'est quelque chose qui a, il y a aussi du son, il y a d'autres choses que l'image dans l'image. Hein, donc cette logique imaginaire. C'est vrai que, et c'est à double tranchant, hein, à double tranchant, parce que, il représente une certaine vision de l'intelligence artificielle. Mais il y a un roman, je crois que c'est T.C. Eliot, il y a des romans, de plus en plus de romans qui mettent en scène une sorte d'immense intelligence artificielle qui va potentiellement sauver la planète au risque de, d'ailleurs, et même très clairement en détruisant l'humain qui lui ne sait pas prendre soin de lui-même et donc de la planète. Aboutit assez vite à des caricatures en fait. Hein. C'est le premier, c'est la voix 1 décrite par Serge. Non, là, c'est pas, moi je m'excuse, mais quand ça revient aussi, quand ce thème revient aussi souvent, on peut être très avoir des supers interprétations en disant ouais c'est du deuxième troisième degré. Non, ces trucs là c'est ce qu'on raconte sans arrêt. On raconte sans arrêt que les histoires c'est ah bah oui puis les hommes vont faire des bêtises, oui, et ils vont se comporter, oui, mal. C'est alors justement juste un point parce que je suis d'accord avec vous et j'avais pas terminé, mais là pour le coup je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites sur ce registre là. Ce que je dis c'est que ça crée une image, ça crée une image forte. Je suis pas certain que les nouvelles technologies soient la seule solution pour contre la destruction. C'est comme si en fait celui qui avait déjà détruit reprend les armes de destruction, soi-disant pour corriger. Je pense justement que l'intérêt de ce type d'image est de nous forcer à nous décaler, à trouver des solutions, non pas simplement technologiques, mais culturelles, sociales, philosophiques, éthiques, bien plus largement que simplement une solution technologique. Et c'est là potentiellement qu'un film, par sa métaphore, parfois il peut aboutir à son contraire, mais peut sans aucun doute ouvrir des voies. L'autre coup de génie, on arrive dans les dernières minutes de cette émission et on ne peut pas ne pas l'évoquer, on en a parlé un peu en filigrane, mais qui fait que Matrix est un film qui résonne incroyablement avec son époque, et l'autre coup de génie des Serge Wachowski, c'est de ne pas s'être arrêté au film, d'avoir proposé une série de courts-métrages d'animation, un jeu vidéo qui s'inclut dans la narration, dans la timeline des événements et qui se passe juste quelques minutes avant, je crois, le deuxième épisode. Ça aussi, c'est sentir, redonner par ailleurs au jeu vidéo, qui est un jeu considéré comme populaire, ses lettres de noblesse et le mettre au même plan qu'un objet cinématographique. Ça fait de Matrix, pour le coup, un vrai objet totalement multimédia, même si ce mot est un peu galvaudé ou un peu peut-être antique. Néanmoins, c'est la réalité de cette œuvre. Ouais, on est en 99, donc je pense que c'est relativement novateur, effectivement, de lier un film avec un jeu vidéo et puis avec une mini-série, on va dire. Moi, j'ai pas gardé des souvenirs si violents que ça du jeu vidéo que je pense avoir fait. Oui, oui. Ça reste le film qui est quand même. Le jeu vidéo est pas incroyable, si ce n'est qu'il apporte quelques éléments de narration par ailleurs qui viennent compléter la. Mais de toute façon, c'est génial, je trouve, de prolonger une œuvre, sur quelques médias qu'elle soit, dans d'autres médias, c'est. Ariel Kirous. Un coup de génie, oui. Oui, je pense que là encore, hein, quitte à nous répéter, je pense que ça fait partie de cette alchimie, en fait. Et je crois aujourd'hui, et ça va dans les deux sens aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde du jeu vidéo s'inspire très ouvertement, notamment dans ses œuvres les plus intéressantes, effectivement, de la littérature et d'autres territoires de la culture. Mais inversement, on a de plus en plus de romans qui intègre des logiques, des métaphores de jeux vidéo. Hein. Je pense au problème à trois corps de Liu Cixin, qui est un grand livre relativement récent, assez récent, donc de science-fiction, donc par un auteur chinois. Au cœur même du problème à trois corps, il y a la mise en scène d'un jeu vidéo avec des réinventions de Newton, de Galilée et de grands personnages chinois. Et au fond, finalement, d'une certaine manière, un film comme Matrix, mais il y en a eu d'autres, participe à cette reconnaissance critique, pourquoi pas, de ce monde du jeu vidéo et à la façon dont, au fond, peu à peu, on intègre ce monde du jeu vidéo à la culture. Ce qui n'est pas une évidence, parce que aujourd'hui encore, on peut entendre des critiques, des regards sur le monde du jeu vidéo qui, effectivement, parfois est un peu destructeur et un peu basique, mais qui sont râler pas crête et qui continue à considérer le jeu vidéo dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de la musique et du cinéma réunis comme simplement un phénomène de niche. On y est ou pas. C'est pas comme le cinéma. Et donc, cette idée-là, en fait, ce que fait Matrix à ce moment-là, est effectivement très nouveau parce que il détruit une sorte de frontière qui à l'époque était très très très très forte. On imagine qu'il pas. Est, qu'il est encore. Et qu'il est encore en fait. Hein. C'est de moins en moins. De moins en moins. Mais voilà. Qu'il est à l'époque, même, à l'époque elle était très forte. C'est-à-dire que voilà, c'est, on était dedans ou dehors le monde du jeu vidéo. C'est en train de changer, mais c'est quelque chose qui est marquant. Et je vais renvoyer les auditeurs de la méthode scientifique à l'entretien que nous avions eu, qui était notre grand entretien de fin d'année la saison dernière avec David Cage, qui est un grand nom du jeu vidéo français, qui fait des jeux vidéo particuliers qu'on aime ou qu'on déteste. Moi personnellement j'adore ça. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot pour conclure, un tour de table rapide sur la postérité de Matrix. Deux films qui suivent, le deuxième qui est un gros succès, qui est peut-être le film le plus mal aimé, le troisième qui est un vrai film de science-fiction que j'aime particulièrement, que je trouve qui est un peu maltraité alors que c'est un vrai beau film de SF qui se passe dans la réalité, d'une sorte de space opéra mais dans un monde dystopique. Sur la postérité, Serge Habitboul, de Matrix. Écoutez, là, j'ai un peu honte. J'ai essayé de les revoir, j'y suis pas arrivé parce que j'ai pas eu le temps. Ce que je me rappelle, c'est, je vais avoir une honte une deuxième fois. Le deuxième et le troisième, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Ça m'a pas branché du tout. Autant j'ai adoré le premier, autant j'ai moins marché sur le deuxième. Et sur le troisième, il y a des trucs que je pigeais pas. Donc désolé, mais je fais pas avancer. Raphaël Granit Cassagnac, sur la postérité plus générale du film, vous avez notamment dans Eternity Incorporated des univers qui sont proches, en tout cas des thématiques de Matrix. Comment est-ce que finalement Matrix a pas fait tellement d'enfants? Il y a pas tellement de lignées de Matrix. D'enfant direct, non, mais c'est parce que c'est une synthèse, donc il y a plein de choses qui tournent autour. Mais pour revenir sur mes romans, donc mes romans ils sont tirés de cette nouvelle dont je parlais tout à l'heure que j'ai écrite juste avant Matrix, en fait, donc c'est simultané, on va dire, de Matrix. Et il y a deux choses il y a des parallèles qui sont évidents. C'est dans mes romans, il y a un asservissement de l'humanité traditionnelle par des machines, donc c'est Matrix complètement. On est complètement dans le même délire, on va dire. En revanche, moi, c'est les machines que j'ai mis dans le monde virtuel. Je me suis dit que les machines, si elles étaient capables de créer des mondes virtuels intéressants, pourquoi elles n'iraient pas elles dans le monde virtuel plutôt que nous y envoyer nous. Ariel Kirou, pour conclure sur cette postérité. Bon, je parlais tout à l'heure des isekai. Donc, il y a au Japon une très forte postérité créative avec notamment cette série Sword Art Online, en fait, qui marche très très fortement. Et c'est même accessible sur les chaînes en ligne. Donc, c'est vraiment un truc. On va vous mettre le lien là aussi. Assez énorme. On pourrait citer Love, Death and Robots, qui est une série Netflix, en fait. Donc, fait une anthologie dans beaucoup de séries d'animation ou non. Alors, il y a un mélange d'animation de formes différentes. Hein, dans Love, Death and Robots, c'est une série assez étonnante quelque part avec des formats très différents, très courts. Il y a des 10 minutes, il y a des 30 minutes. Voilà, c'est très. Voilà. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Donc je crois que après il y a une série d'autres films, mais ce que je dirais c'est que j'ai tendance à penser un petit peu comme Raphaël que la postérité est multiple et que c'est autant la postérité de Matrix que de Blade Runner et que data d'autres films. C'est la postérité d'un genre, ce genre qu'on qualifie souvent de tech noir, technologie noire. Voilà. Et là pour le coup, je pense que je prends le risque de dire que là pour le coup, on sera moins en désaccord avec Serge. Je pense que je prends le risque. Hein. Mais c'est de dire que justement, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de sortir de ça. C'est de se dire comment on fait pour, à l'époque, guillemets, de l'anthropocène, dans cette logique de, d'un côté, le retour aux limites via l'écologie, éclatement des limites via le numérique, comment on fait pour sortir de cette ambiguïté-là et pour créer des solutions qui vont nous permettre, et ça, je crois que ça passe par une autre esthétique, d'autres choix qu'on n'a pas encore trop trouvé. De faire de la tech blanche. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Raphaël Granier de Cassagnac, Eternity Incorporated, c'est chez Mnemos. Merci Ariel Kirou, Les Mondes de Philippe Kadik, le documentaire que vous avez co-signé. Excellent documentaire, s'il en est, avec Yann Coquard, Serge Habitboul, Le Bot qui murmurait à l'oreille de la vieille dame, c'est aux éditions du Pommier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Dominique de Saint-Vulfranc, Éléonore Perret, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, ce sera notre dernière semaine avant la pause estivale. Lundi, nous parlerons des mitochondries, mardi des zones humides, mercredi du deepfake dont a parlé Serge Habitboul à l'instant. Et pour finir en beauté, comme à chaque fin de saison, un feu d'artifice. Vendredi prochain, vous retrouverez plein de voix familières de la méthode scientifiques qui viendront vous prodiguer de précieux conseils de lecture, de films et de séries, notamment Love, Death and Robots, il en sera question, pour partir en vacances avec de la SF plein la valise. Et jeudi, eh bien, c'est notre grand invité de fin de saison, un très grand nom de la SF sera au micro de la méthode, un auteur assez jeune et qui a pourtant déjà marqué l'univers de la science-fiction par une trilogie dystopique brillante et virtuose. L'auteur de la trilogie Silo sera notre invité, Hugo Oui. Pour cette fin de saison, on vous gâte, vous voyez, vous en avez de la chance. Demain à 16h, c'est Étienne Klein pour la conversation scientifique. On se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.